15h. Bienvenue à tous les Normands et à tous les Picards qui nous rejoignent sur Espace. On est parti pour 3 heures ensemble. Excellente journée. Normande des radios. Louis. Allez, c'est parti, on commence cette première heure ensemble avec Martin Garrix et Bonne et leur titre I Don't Live sur Espace. Espace, espace, plus de sons, plus de tubes. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I